Vous êtes allocataire du RSA et vous reprenez un emploi. Vous entrez en formation, vous êtes salarié dans une structure de l'insertion par l'activité économique et vous êtes confronté à des difficultés dans la poursuite de votre parcours d'insertion, mobilité, garde d'enfants ou autre. L'aide individuelle à la reprise d'activité RA permet une prise en charge de tout ou partie des frais liés à la reprise d'activité. Pour en savoir plus et en faire la demande, contactez votre référent unique RSA qui vérifiera les pièces justificatives, instruira la demande et la transmettra aux services territoriaux insertion du département de Meurthe-et-Moselle.